Thank you. plaît. Chez toi, je vous dis, je crois que je pourrais me gifler. Pour la voir au milieu, être son chéri, son amant, son amoureux. Regarde, prends soin de toi. Je veux ton sourire calmement, je veux ton cœur, je veux la chance de te donner des ailes. Laisse-moi te séduire, en ta main douée. Te prédire un avenir doué, tu vois, badabadé. Je veux danser avec toi sur un son délicat, badoué. Thank you. ailleurs, dans le tilleur. Et puis j'aime bien l'idée de creuser un tombe tout seul, ouais, c'est cruel, mais c'est réel. J'aurais préféré le dire que je parle encore aux hirondelles, mais on a beau lever les bras, on a beau crier ce qu'on peut, la réalité est là, et on est beaucoup trop nombreux. Je suis un chat, donc je m'en fous. Allez, bye bye, salut, bien essayé. Mais nous, on voulait être libre. Toi, tu voulais la certitude d'être payé. Et nous, juste peut-être vivre. Soulet de suivre comme des animaux. Crier, lève les bras, Lio. Crois que c'est beau la vie, comme chez Haribo. Toi, tu voulais des lingots malgré le pas. Grâce à moi, c'est l'Elias qui t'a donné ton pain. J'en ai déjà dit trop. La France, j'en ai pas, je suis chaud. La bourse, c'est du casino. Là, le casino, je suis pas casino. Pour me calmer, faut quasiment une camisole et 4 schizos. Amène des fous pour Jacques. La paix est triste avec les gens sains d'esprit. Amène et tous vont se battre. Donne-nous de la paix, pas du vice, lance un défi. Avec le fou de contact. Au nom du frère, du twist, je suis un animal. J'ai un creux, je suis un cobra, un animal, nique les combats, je t'attaque au visage et je te bouffe comme un coco. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Et toi aussi tu es un animal, fais ton choix mon vieux, tu es ou perpétuer. L'humain se croit supérieur, mais ce n'est qu'un animal. Détruit la planète, soi-disant pour le meilleur, elle le lui rendra bien, et c'est pas plus mal. Couler du béton partout, dominer la nature, tout faire tourner autour des sous, interdire la verdure, l'humain est fou, je t'assure, l'avenir est flou, bientôt il n'y aura plus de pétrole pour ta voiture, plus d'eau potable que de l'air vicié, arrêtons de supplier ces fabriques pour un futur, je vois des humains s'unir, et c'est loin d'être pour le pire. Je vois l'avenir, comment te dire. Des fois j'ai même l'impression qu'on va bien finir par s'en sortir. Et y'a plus que l'espoir pour tenir. Je voudrais pas avoir l'air de faire mon devoir. Mais à la fin de l'histoire, ben, faudra bien saisir que sur terre on n'est pas plus qu'une forme de vie. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Ha, je suis un hibou, un animal toujours debout. Pourtant comme un panda, je m'envoie des tas de bambous. Je suis un animal, j'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai un creux. Sortez le trophée, un animal. Sérieux, j'ai trop faim, j'ai truffé ce truc de trop facile, pourtant c'est trop vrai. Thank you. Thank you. avec tes entrailles. Tu peux dire tout, penser bien faire et froisser un frère. Finir au fond d'un trou, tu peux la séduire ou la fertiliser, la faire sourire ou l'alcooliser. Fais gaffe au karma, tu peux avoir son tarma. Mes armes jouent pas les surpris quand on traite de tarba. Tu peux gagner un temps et puis finir par couler. Pour tes 20 ans, je te beau temps que dans un écrou. C'était tentant de fugir, je dois calculer. T'es content maintenant qu'en attendant, ton grand Satan t'a coulé. Tu peux être dans la merde 10 ans, galère de 10 autres années. Survivre 10 ans de plus et être encore là. Évite les 10 ans, t'inquiète, la roue va tourner. Les gens qui gagnent, à la fin, c'est l'heure de compter les corps. Je parlerai d'elle-même, je te promets, ça change de personne.